Bosco, Ndoui Man. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 12 décembre 2016 et en voici tout de suite les grandes articulations. 9 personnes sont sous interrogatoire après leur arrestation hier en zone Maranvia de la commune Moutimbouzi de la province Bujumbura. Elles sont poursuivies pour tenue d'une réunion clandestine dénoncée par la population. Et le ministère burundais de l'agriculture et de l'élevage compte atteindre une production cotonnière de 5000 tonnes avec le lancement ce matin du projet dit Victoria Cotton. Elle est passée aujourd'hui à 2000 tonnes alors que le Burundi a pu atteindre le pic de 9000 tonnes. Et le Brésil participe à ce projet. Et en actualité sportive nationale, l'équipe de football Vitalo, fière de sa troisième place décrochée lors de la fin de la phase aller du championnat national ce dimanche, en battant son rival de toujours Interstar sur le score club de 5-1, elle compte terminer la phase retour de la Ligue en première position. Et en actualité internationale, le futur secrétaire général de l'ONU, l'ancien premier ministre portugais Antonio Guterres, prêtera serment ce lundi 12 décembre 2016 devant l'Assemblée générale de l'ONU. Un moment important avant sa prise de fonction le 1er janvier prochain. Puis il présentera aux 193 pays membres ses projets face aux multiples crises mondiales ainsi que pour réformer cette institution vieille de 71 ans. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le ministère burundais de l'agriculture et de l'élevage a procédé ce lundi au lancement d'un projet dit Victoria Cotton en coopération avec le Brésil. Selon le secrétaire permanent au sein de ce ministère, ce projet vise la redynamisation de la filière cotonnière au Burundi et partant l'augmentation des revenus des cotonculteurs. D'après Séverin Bagorikunda, l'on projette une production de 5000 tonnes de coton qui a chuté jusqu'à 2000 tonnes aujourd'hui alors que le Burundi avait pu atteindre un record de 9000 tonnes. Suivez-le. Le projet que nous venons de lancer est un projet émanant de la coopération bilatérale entre le Burundi et le Brésil. Et c'est un projet régional, un projet qui est axé autour du lac Victoria. Et c'est pourquoi le projet s'appelle Coto Victoria. Quel intérêt que va porter ce projet à la population burundaise? L'intérêt de ce projet, c'est d'abord redynamiser le secteur des cotons, augmenter les revenus des cotonculteurs et aussi augmenter la quantité de coton fibre qui est utilisée dans le complexe agritextile du Burundi. Alors, en augmentant cette production, le complexe agritextile du Burundi n'avait pas assez de coton. La COGELCO fournissait peu de coton et le reste du coton était importé de l'extérieur. Maintenant que ce projet sera mis en œuvre, une partie des devises qui étaient envoyées pour importer le coton à l'extérieur sera donc utilisé dans notre pays. Vous comprenez que c'est un intérêt économique. Le gouvernement du Burundi avait donné un objectif à la COGELCO et à l'ISABO dans les années 1990 de produire au moins 12 000 tonnes de coton. Cet objectif n'a pas été atteint. Seulement en 1993, c'est là où on a atteint une production approximative de 9 000 tonnes. Après la crise, il y a eu chute jusqu'à ce qu'aujourd'hui on ne produise que 2000 tonnes de coton. Le projet alors, j'ai pour redynamiser la culture du coton et dans un premier temps, on projette à une production de 5000 tonnes et voir à la prochaine comment on peut augmenter cette production pour atteindre cet objectif de 1990 d'avoir 12 000 tonnes de coton. C'était le secrétaire permanent au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Séverin Bagorikunda, qui répondait aux questions d'Yves Ngonziman. Et 9 personnes ont été arrêtées dans la soirée de ce dimanche en zone Maranvia de la commune Moutimbouzi de la province Bujumbura. La police indique avoir été informée par la population de Maranvia qui s'inquiétait de la réunion que tenaient ces personnes. Information confirmée par le porte-parole de la police, Pierre Nguriquillé, qui précise qu'elles sont pour le moment sous interrogatoire. Et l'avenue Rugamba du quartier Gasekebouye de la mairie de Bujumbura est menacée par l'eau qui passe par le caniveau se trouvant à côté de cette avenue. Les habitants de cette localité disent que la situation s'est aggravée après les pluies qui sont tombées ce samedi. Ils demandent qu'il y ait réhabilitation de ce caniveau pour protéger cette route. Alida Ndaïkeza. L'avenue Rugamba est l'une des routes qui desservent le quartier Gasekebouye. Elle passe à côté du camp Moura. La pluie qui est tombée samedi a causé le débordement de la canalisation et l'eau des pluies s'est déversée dans la rue, comme cela est dit par certains habitants de Gasekebouye. Cette route a été endommagée par des eaux des pluies à cause d'un petit caniveau qui achemine l'eau. Si cela se répète, dans peu de temps, on pourra être emporté par l'eau. Samedi, on ne pouvait pas traverser la route. Les caniveaux et les ponts sont détruits. Bientôt, on ne pourrait plus rentrer dans nos maisons. Cette route a été endommagée par les eaux des pluies parce qu'il y a beaucoup de maisons et que le caniveau est petit. L'eau déborde et le caniveau et la route sont par conséquent endommagés. Une habitante de ce quartier dit qu'ils peuvent donner une contribution en vue de rénover ce caniveau. Il y a des années sans que cette route soit réhabilitée, mais lorsqu'on a aménagé le quartier Gasekebouye, on ne l'a pas réparé. Ce qui a été détruit, c'est ce qui se trouve au bord de la route. Par exemple, le pont va bientôt se détruire. On demande que la route soit bien rénovée et nous aussi, on pourra donner une main d'œuvre. L'avenue Rugamba a été rénovée en 2003. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, la passation des tests pour les candidats brigadiers et officiers à la police nationale a été faite dans la transparence. C'est le porte-parole de la police qui le dit après l'affichage des résultats. Des résultats contestés par certains, Pierre Mourikiye indique que les personnes qui disent qu'il y a eu de la fraude sont celles qui ont échoué. Suivez-le. Tout a été fait dans la transparence et déjà annoncé, à l'Institut supérieur de police, on a retenu 60 candidats officiers de police, dont 54 civils et 6 brigadiers candidats officiers de police. Tandis qu'à l'école des brigadiers de police, on a retenu 312 civils et 50 agents candidats brigadiers de police. Tout a été fait dans la transparence. Les candidats qui étaient restés là à attendre ces résultats ont été invités à faire des réclamations éventuelles. Et pour les candidats officiers, on n'a pas reçu beaucoup de réclamations. Mais pour les candidats brigadiers, on a constaté plus de 5 réclamations qui ont été recueillies. Et maintenant, le matin d'aujourd'hui, c'était la correction sur base de ces réclamations. Et le processus de recrutement avance bien et sans aucune anomalie. Vous dites que tout a été fait dans la transparence, mais il y a déjà un écho qu'il y a des candidats qui ont reçu des examens avant le jour de la passation. C'est un mensonge pur, mais qui peut se comprendre. D'autant plus que le ministère a un nombre d'effectifs qu'il ne peut pas dépasser. Et lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas été retenus, c'est normal qu'il y ait certains qui puissent dire qu'il y a eu des tricheries. C'est aussi étonnant qu'il n'ait pas annoncé avant la passation de ces examens pour que la commission puisse prendre des mesures conséquentes. Il a deviné qu'il y ait des preuves de ce qu'ils disent. Eh bien, la commission de recrutement est là pour le recevoir et prendre des mesures conséquentes s'il s'avère que ce qu'ils disent est vrai. C'était le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngurikiye, au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. L'actualité sportive, l'entraîneur de l'équipe de football, Vitalo, se dit satisfait de la troisième place décrochée par son club lors de la fin de la phase aller du championnat national ce dimanche. Après le score fleuve de 5-1 contre Interstar, son rival de plusieurs années, Francis Haringingo indique qu'il compte multiplier les séances d'entraînement pour que son équipe puisse terminer la phase retour de la Ligue en première position. L'actualité sportive avec Evariste. C'est ce dimanche que la phase aller du championnat national de football première division a été clôturée. Atlético Olympique est première avec 36 points et 21 buts en poche. Leader Ludic Burundi Sport for Africa est deuxième avec 29 points et 8 buts. Et Vitalo se trouve en troisième position avec 28 points et 16 buts en poche. La formation de Vitalo avait mal commencé la compétition. À la cinquième journée du championnat, Vitalo était en 13e position. L'entraîneur de cette équipe se dit satisfait de la troisième place que son équipe a eue à la fin de la phase aller. Francis Haringingo revient sur les problèmes qui hantaient son équipe dès le début du championnat. Au début, il nous manquait de cohésion, il nous manquait l'efficacité devant les buts. Moi, je crois que c'est ça qui a changé. Maintenant, vous voyez que l'équipe joue, la cohésion commence à venir et l'efficacité aussi. Nous marquons des buts. Nous sommes le deuxième meilleure attaque du championnat en phase aller. Mais auparavant, nous avions marqué au moins 2 buts dans 5 journées. C'était pas bon, mais vous voyez, maintenant, ça commence à venir, la cohésion, l'efficacité. Je crois que ce qui a changé, les joueurs commencent à s'habituer de jouer en équipe Vitalo. L'entraîneur de Vitalo indique qu'il compte multiplier des séances d'entraînement qui pourront pousser Vitalo à décrocher la première place à la fin du championnat. On va continuer à travailler, à aussi s'organiser pour gagner des matchs. Maintenant, nous sommes en 3e position. L'Idealidic et Atletico sont devant nous. On va faire beaucoup d'efforts pour qu'on puisse les dépasser. Je crois qu'en phase retour, on va faire beaucoup d'efforts pour regarder si on peut dépasser les 2 équipes qui sont là. Ce sont des bonnes équipes. Ils sont organisés, ils sont forts. Nous aussi, on va faire un effort pour de dépasser. En 4e position se trouve Aigle Noir de Makamba. Cette équipe a 28 points avec 9 buts en poche. Messager Ngozi est 5e avec 25 points et 4 buts en poche. Tandis que Flambeau de l'Est de Ruyigui est 16e et dernier du championnat avec 9 points. Cette dernière a une dette de 11 buts. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, je vous l'avais dit, le futur secrétaire général de l'ONU, l'ancien premier ministre portugais Antonio Guterres, prêtera serment ce lundi 12 décembre 2016 devant l'Assemblée générale de l'ONU. Un moment important avant sa prise de fonction le 1er janvier prochain et deviendra le 9e secrétaire général de l'ONU. Puis, il présentera aux 193 pays membres de ses membres ses projets face aux multiples crises mondiales, ainsi que pour réformer cette institution vieille de 71 ans. Monsieur Guterres a l'ambition de redonner aux Nations Unies une plus grande influence dans les affaires du monde et donc de l'Afrique. Mais la marge de manœuvre du secrétaire général est étroite face aux 5 membres permanents dotés du droit de veto. Un homme de tête et de cœur, c'est ainsi que Samantha Power, représentante américaine à l'ONU, décrit Antonio Guterres. Mais il devra être aussi un homme de poigne pour réformer une organisation dont l'image a été très dégradée par son incapacité à faire cesser les bains de sang en Syrie, au Yémen ou encore au Soudan du Sud. Autre dossier qui l'attend, celui de la représentation africaine au sein du cercle très fermé des États membres permanents du Conseil de sécurité. L'arrivée de ce diplomate chevronné qui a promis de se faire le chantre du dialogue et du multilatéralisme suscite ainsi l'espoir. Cependant, cet espoir est quelque peu douché par l'élection de Donald Trump aux États-Unis, dont la sympathie pour les Nations Unies est mesurée. Le président élu souhaite un retour sur investissement, les États-Unis étant le plus gros contributeur financier de l'ONU. Et leur soutien est indispensable. Et le président Yahya Jammeh ne baisse pas les bras malgré la pression internationale contre son refus de reconnaître les résultats de la récente présidentielle. L'Alliance patriotique pour la construction et la réorientation, son parti politique, a annoncé dimanche qu'il va contester sa défaite électorale devant la Cour suprême. La commission électorale indépendante a annoncé la semaine dernière que le candidat de l'opposition, Adama Barrow, avait remporté les élections. Le président Jammeh a d'abord accepté sa défaite et félicité M. Barrow avant de revenir sur sa décision dans un surprenant discours télévisé vendredi. Le revirement de Yahya Jammeh a été fortement critiqué par le Sénégal, l'ONU et l'Union africaine. Les parlementaires des pays membres de la Cour pénale internationale, par la voix de Issa Rassidi Bey, président de l'Assemblée nationale du Niger, ont également condamné l'attitude du président Yahya Jammeh. Ils ont réagi après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a sommé le président Jammeh à respecter le choix des électeurs de son pays. Enfin, un camion-citerne en direction de l'Ouganda a explosé dimanche sur une route à Naivasha, au nord-ouest de la capitale Nairobi du Kenya, tuant au moins 33 personnes. La Croix-Rouge du Kenya a déclaré que le chauffeur avait semblé perdre le contrôle du camion qui s'est heurté à d'autres véhicules. Un témoin oculaire a déclaré qu'une boule de feu énorme avait englouti plusieurs véhicules, dont un minibus de 14 passagers qui étaient tous morts. Cet accident s'est produit au moment où les médecins sont en grève, limitant sévèrement les services dans les hôpitaux publics. Il est 13h11 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.